Demain matin, il faut que je me réveille, car y'a plus rien dans la bouteille. Mais il y aura sans doute pas de soleil. Normal, c'est l'hiver, y'a plus d'abeilles. Mais il faut que je pense à brancher mon réveil. En plus, il faut que je retire de l'oseille. C'est fin de week-end, c'est toujours pareil. Il n'y a plus rien dans mon porte-monnaie. Ah bah oui! Ah mais oui! Ah bah oui! Ah mais oui! Ah bah oui! Ah mais oui! Ah bah oui! Ah mais oui! Faire plus un bordel, demain c'est férié. Comment je vais faire pour être bourré? Plus rien à boire que du Perrier. Mais cette semaine, ça a neigé. Je suis sûr qu'on est plus en été. C'est pour ça que je suis tout enrhumé. Mais va falloir quand même se lever si on veut pouvoir s'alcooliser. Ah bah oui! Ah bah oui! Ah bah oui! Ah bah oui! Ah bah oui! Ah bah oui! Ah bah oui! Ah bah oui! Ah bah oui! Ah bah oui! Ah oui! Oui! Demain, je crois bien qu'il est ouvert le shopping. Je vais pouvoir en prendre des bouteilles de whisky. S'il n'y a plus que ça, je prendrai du martini. Je crois que ça se voit, ce machin. Ah oui! Ah bah oui! Ah oui, oui! Ah bah oui, tant pis! Mais sinon, on peut aller à la brasserie. Bon, ben, si c'est comme ça, je me fais du riz. Ah bah oui! Ah mais oui! Ah bah oui! Ah mais oui! Ah bah oui! Ah bah oui! Ah bah oui! Ah oui! Putain, mais t'aurais pu tomber en bas. T'aurais pu te casser le bras. Mais la chanson peut pas finir comme ça. En plus, les gens ne la comprennent pas. Ferme ta gueule, fini ta vodka. En Afrique, ils cultivent du tabac. On sait très bien comme ça. Même nous, c'est n'importe quoi. Ah bah oui! Ah bah oui! Ah bah oui! Ah bah oui! Ah bah oui! Ah bah oui! Ah bah oui! Ah bah oui! T'as vu comme elle est belle ma poche. Pratique d'une grosse cloche. Sauf bien sûr qu'elle a un son moche. Il faudrait pas qu'on me la fauche. Si elle sait dedans ma brioche. Oh putain, voilà qu'arrive ma belle doche. Elle est avec son mioche dans la totoche. Putain, ça me fout les pétoches. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Il va falloir que cette chanson se termine. Vous commencez à faire une triste mine. J'en ai marre de manger à la cantine. En plus t'imagines la cuisine. Dans notre tournée en Chine, dans les Alpes maritimes, dans un concours de beauté canine, tourner la bibine. Ah bah oui! Ah bah oui! Ah bah oui! Ah bah oui! Ah bah oui! Ah bah oui! Ah bah oui! Ah bah oui! Ah bah oui! Ah bah oui! Ah bah oui, oui! Ah oui! Ah oui, oui! Ah bah oui! Ah oui, oui! Ah oui, oui! Ah oui, d'accord! Ah bah oui! Ah oui, d'accord! Ah oui! Ah oui! Ah bah oui!